إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله لقد نهانا الله سبحانه وتعالى عن الغلو في الدين وحذرنا من ذلك تحذيرا شديدا ذلك بأنه جل جلاله حد لنا حدودا وشرع لنا شرائع وهو يحب منا أن لا نزيد على هذه ولا ننقص منها شيئا ولذا فإنه سبحانه وتعالى شرع لنا أن نقرأ في كل صلاة سورة الفاتحة وفيها يعني في هذه الآيات العظيمة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وفي هذا تنبيه للمسلم وتحذير له تنبيه له أن يسلك مسلك المغضوب عليهم ومسلك الضالين والمغضوب عليهم هم الذين عرفوا الحق وتركوه كاليهود ونحوهم والضالون هم الذين عبدوا الله جل جلاله على جهل كالنصارى ونحوهم أيها المسلمون لقد نهى الله سبحانه وتعالى أهل الكتاب عن الغلو في دينهم ونهيه سبحانه وتعالى لأهل الكتاب ليس خاصا بهم بل هو عام لهم ولكل من أتى بعدهم يقول الله سبحانه وتعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم محذرا من الغلو في الدين في أحاديث كثيرة من أظهرها قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس رضي الله عنه إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين وذكر عليه الصلاة والسلام عاقبة الغالين في الدين فقال هلك المتنطعون فنحن أمة وسط أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نستقيم على أمره الذي شرعه تعالى كما قال جل جلاله مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير فالشرع لم يوكل إلى عقولنا وإلى أهوائنا بل لا يؤمن أحدنا حتى يكون هواه أو لا يؤمن أحدنا حتى يكون هواه تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. Serviteur d'Allah, créé Allah, Et sachez que Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit d'être extrémistes ou d'exagérer dans la religion. Et il nous a averti de cela d'un avertissement sévère. Allah subhanahu wa ta'ala nous a établi des limites et des règles dans notre religion. Et il nous a légiféré des lois. Et il aime de notre part qu'on n'ajoute rien à ces règles et à ces principes. Et il aime également qu'on enlève et qu'on ne diminue la religion en rien. Et donc on doit être dans le juste milieu. On n'ajoute pas et on n'enlève pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré pour nous de réciter dans chaque salat qu'on fait et dans chaque rak'a, surat al-Fatiha. Et dans surat al-Fatiha, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala et on l'invoque en disant « C'est toi seul que nous adorons et c'est à toi seul que nous demandons de l'aide. Guide-nous sur le droit chemin, le chemin de ceux sur qui tu as mis ta grâce et non pas le chemin de ceux qui ont encouru ta colère et mis des égarés. » Et ça, c'est un avertissement envers les musulmans. C'est un avertissement pour les musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala les avertit de ne pas suivre le chemin de ceux qui ont encouru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et le chemin de ceux qui se sont égarés. Et le chemin de ceux qui ont encouru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont ceux qui ont connu la vérité et qui l'ont laissée. Ils ont connu la vérité, mais ils ont décidé de ne pas la suivre. Comme les juifs et ceux qui leur ressemblent. Et peu importe qu'ils gagnent, ce n'est pas spécifique aux juifs, c'est toute personne qui rentre dans cette description et dans cette caractéristique. Donc toute personne, même si elle se dit musulmane, mais qu'elle a la connaissance et qu'elle ne l'applique pas, elle fait partie de ceux sur qui Allah a mis sa colère. De même que les égarés, ce sont ceux qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala, mais avec ignorance, comme les chrétiens et tous ceux qui leur ressemblent. Et donc, ce n'est pas spécifique aux chrétiens, mais toute personne, même parmi les musulmans, qui rentre dans cette description, c'est-à-dire qui adore Allah avec ignorance et sans science, eh bien, il rentre dans la catégorie de ceux qu'Allah a appelés les égarés. Ô vous les croyants, Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit d'exagérer dans la religion comme il a interdit aux gens du livre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, de rentrer dans l'extrémisme et dans l'exagération dans leur religion. Et ça, ce n'est pas spécifique aux gens du livre. Ça s'applique, cet avertissement et cette interdiction, à tout le monde, et en particulier aux musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, « Ô vous les gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites à propos d'Allah que la vérité. » Et donc, une chose très importante à comprendre, la religion des juifs et la religion des chrétiens, telle qu'elle existe aujourd'hui, elle n'est pas dans son état ou dans sa situation originelle. Dans le sens que ce sont des religions qui ont été déformées par les gens qui sont venus après les prophètes d'Allah. C'est-à-dire qu'après Moussa alayhi salam, il y a des hommes qui sont venus et qui ont déformé le vrai message de Moussa alayhi salam. Et après Isa alayhi salam, il y a des hommes qui sont venus et qui ont déformé le vrai message de Isa alayhi salam. Et donc, les religions qu'on connaît aujourd'hui, comme étant le christianisme et le judaïsme, sont très loin de la réalité de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé comme messager. C'est-à-dire du message des messagers de ces gens qui prétendent suivre ces prophètes. Et une autre chose importante aussi à comprendre, c'est que les messages des messagers qui sont venus avant le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, c'était des législations et des révélations qui étaient pour un temps précis et limité, et pour un peuple précis et limité. C'est-à-dire que ce n'était pas des révélations qui avaient une portée universelle, ou pour tous les peuples et pour toutes les époques. C'était des révélations qui avaient une portée limitée, limitée à un peuple spécifique et limitée dans le temps. Et c'est uniquement l'islam, la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, telle qu'elle est venue, telle qu'elle a été révélée au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran et dans la Sunna, qui a cette portée universelle, qui est révélée pour tous les peuples et qui a été descendue pour être appliquée jusqu'à la fin des temps. Et donc, par conséquent, les peuples des juifs et des chrétiens, lorsqu'ils ont entendu le message de l'islam, le message du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qu'ils ont refusé de le suivre, eh bien, par conséquent, ils sont tombés dans l'extrémisme. Puisque les religions qu'ils suivent et les révélations qu'ils suivent, ce n'étaient pas des révélations qui étaient révélées pour toutes les époques et pour tous les peuples. Et donc, par conséquent, le fait de vouloir les appliquer, même après la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, ça pousse les gens de ces religions-là à tomber dans l'extrémisme. Et l'extrémisme, mes chers frères, il ne faut pas le comprendre de la manière étroite, c'est-à-dire la façon comment elle est comprise aujourd'hui et de la façon comment elle est présentée aujourd'hui dans les médias ou dans les émissions ou dans les reportages. L'extrémisme, ça commence avant tout dans la croyance. Et donc quelqu'un peut être extrémiste même si il ne fait pas d'actes extrêmes. Du moment qu'il a des croyances qui sont contraires à la vérité et qu'il ajoute des choses dans la croyance et dans ce que Allah a ordonné comme croyance, eh bien, il est dans l'extrémisme. Et donc, c'est pour cette raison-là qu'on voit, par exemple, que Allah subhanahu wa ta'ala a dit aux gens du livre, ne tombez pas dans l'extrémisme. Et parmi les exemples d'extrémisme des chrétiens, c'est d'avoir fait de Jésus un messager et un prophète. Ils en ont fait un Dieu qu'ils adorent en dehors d'Allah, ou qu'ils prétendent être fils de Dieu. Et ça, c'est de l'extrémisme, c'est de l'exagération, puisque tu élèves un être humain au niveau de divinité, et tu appelles les hommes à l'adorer en dehors d'Allah. Et ça, c'est une des pires formes d'extrémisme dans la religion. De même que dans le judaïsme, qui a été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala aux enfants d'Israël, aux enfants de Yaqub et aux tribus. Cette religion qui contient plein de règles et plein de lois qui ont été révélées dans la Torah et que les rabbins ont falsifiées avec le temps et déformées, la preuve de l'extrémisme de cette religion, c'est qu'elle est inapplicable à notre époque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un juif aujourd'hui qui est capable de l'appliquer telle qu'elle est révélée dans la Torah. Et donc, ils ont été obligés, que ce soit les juifs ou les chrétiens, étant donné que leur religion n'est pas complète et qu'elle n'est pas préservée par Allah subhanahu wa ta'ala de la façon qu'elle a été révélée, et étant donné qu'elle est limitée dans le temps, est limitée par rapport aux gens à qui elle a été révélée, eh bien les gens de ces religions-là ont été obligés de faire ce qu'on appelle des réformes, c'est-à-dire de changer les principes et les croyances de leurs religions respectives. Et c'est pour cette raison que tu trouves chez les chrétiens, et que tu trouves également chez les juifs, des versions réformées de leur religion et de leurs croyances. Et à chaque 100 ans, ou à chaque siècle, la religion catholique fait un nouveau concile pour changer les croyances et les pratiques et les dogmes de la religion catholique et de la religion chrétienne, soi-disant pour s'adapter aux mœurs et aux croyances et aux pensées et aux idées et aux coutumes des gens. À chaque instant, ils changent la religion et en font une nouvelle. Donc ce sont des religions qui sont incomplètes et imparfaites. Parce qu'elles ont été déformées et parce qu'elles ont été appliquées d'une manière qui contredit la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, on sait que de plus en plus de musulmans viennent vivre dans les pays occidentaux, les pays de l'Europe et de l'Amérique. C'est une chose qui n'existait pas ou qui ne se faisait pas dans le passé. D'un côté, les musulmans ne souhaitaient pas du tout venir s'installer dans les pays chrétiens ou juifs. Et de l'autre côté, les chrétiens et les juifs ne souhaitaient pas du tout avoir une immigration musulmane dans leur pays. Jusqu'à récemment, ils ont ouvert les portes aux musulmans. Et on sait très bien que la notion de la religion, telle qu'on la comprend nous en tant que musulmans, elle est totalement différente de la notion et de la compréhension de qu'est-ce qu'est une religion pour un juif ou pour un chrétien. Et donc, qu'est-ce qui se passe à l'époque actuelle et qu'est-ce qu'on remarque? C'est qu'on ressent ou qu'on voit de la part de certains individus, que ce soit parmi les politiciens ou les penseurs ou les philosophes ou autres, les sociologues ou les islamologues, c'est qu'ils essaient de christianiser l'islam ou de judaïser l'islam pour que l'islam rentre dans le moule de ce que les occidentaux considèrent eux comme étant une religion. Même si, en faisant cela, ils doivent déformer la réalité de ce que signifie être un musulman et suivre l'islam. Et tout ça, bien entendu, c'est par rapport à leurs intérêts, que ce soit économique ou politique ou autre. Et donc, il faut savoir que, déjà en partant, l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam adina » Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, aujourd'hui, « Al-yawma akmaltu lakum » j'ai parfait pour vous votre religion. Wa atmamtu alaykum ni'mati, et j'ai parachevé sur vous mon bienfait. Wa raditu lakum al-islam adina, et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Donc la religion, elle a été complétée et parfaite par Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Celui qui cherche une religion autre que l'islam, il ne sera pas accepté de lui. Et au jour de la résurrection, ils seront du nombre des perdants. C'est-à-dire ceux qui ont choisi une religion autre que l'islam, ils seront du nombre des perdants. La religion de l'islam, c'est la religion du tawhid. La religion de l'unicité d'Allah, subhanahu wa ta'ala. L'unicité d'Allah dans la croyance du fait qu'il n'y a rien qui contrôle dans l'univers quoi que ce soit, excepté Allah, et c'est lui seul qui est le maître et le créateur de toutes choses. Il n'a pas de fils, il n'a pas de fille, il n'a pas d'enfant, il n'a pas d'épouse, il n'a pas de compagne, il n'a pas d'associé, il n'a pas d'allié, il n'a pas de rival, rien ne lui est égal. Il se suffit à lui-même, il est parfait, le Tout-Puissant, le maître de toutes choses. Voilà le Dieu qu'on adore, Allah subhanahu wa ta'ala. Et rien ne mérite d'être adoré excepté lui. Et quiconque adore quoi que ce soit en dehors d'Allah, ce qu'il adore est faux, est rejeté. Et donc ça, c'est la base de l'islam, la base de la religion de tous les prophètes et de tous les messagers d'Allah. Et ensuite, il y a des règles et des prescriptions qui ont été révélées par Allah, qui englobent tous les différents aspects de la vie. Pas seulement les aspects spirituels, pas seulement les questions de prière et de jeûne et de purification, et pas seulement les questions qui ont rapport à la relation entre l'homme et son créateur, mais également les règles qui contrôlent et qui gèrent et qui régissent la relation entre les hommes, les uns avec les autres, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan social. Dans l'islam, il y a les règles sur toutes ces questions. Et le fait de les suivre, de les appliquer, ou d'appeler les hommes à les appliquer, ce n'est pas une manifestation d'extrémisme ou d'exagération dans la religion, mais au contraire, c'est le juste milieu. L'islam a interdit l'exagération et l'extrémisme sous toutes ses formes. Allah a mentionné ça dans le Coran en parlant des juifs et des chrétiens, et c'est une leçon également pour nous, lorsque Allah a dit La taghlu fi dinikum. Ya ahl al-kitab, la taghlu fi dinikum. C'est-à-dire, n'exagérez pas dans votre religion. Le mot, le verbe, la taghlu, hein, n'exagérez pas. Ça vient du mot arabe, al-ghulu. Et c'est ainsi qu'on qualifie les gens qui ont dépassé la limite d'Allah, subhanahu wa ta'ala, soit en ajoutant ou soit en enlevant. Et donc, al-ghulu, c'est ce qui est haram dans l'islam. Et nous, on l'appelle en arabe ghulu. Et c'est un terme coranique, un terme islamique. Et donc, on emploie les termes que Allah nous a révélés. Et on n'emploie pas les termes inventés par les koufars qui sont ambigus, qui peuvent avoir une signification et son contraire, qu'ils utilisent pour appeler les musulmans ou les qualifier à tort et à travers, et on ne sait même pas à la fin qu'est-ce que ça signifie. Lorsque quelqu'un dit d'un musulman qu'il est radical, ou qu'il est intégriste, ou qu'il est fondamentaliste, et lorsqu'on demande qu'est-ce que ça signifie, on n'est pas capable de nous donner une réponse claire. Ou si on demande, quand ils disent ce sont des musulmans islamistes, eh bien on demande, dites-nous avec preuve de ce qui est écrit dans le Coran et dans la Sunna, la différence claire entre un musulman ordinaire, simple, et un islamiste ou un intégriste. Et bien entendu, les réponses sont très incomplète et insatisfaisante. Mais si on parle selon le Coran et la Sunna, c'est très facile de distinguer. Parce qu'on dit tout ce qui est contraire au Coran et à la Sunna et à la compréhension des salaf salih, ça fait partie de ce qui est relou et ce qui est extrême. Mais si c'est en accord avec le Coran et en accord avec la Sunna et la compréhension de nos salaf salih, et que c'est appliqué et compris tel que les ulama de l'islam le comprennent et l'expliquent, alors dans ce cas-là, ça fait partie de l'islam. Et si on le suit, et on le respecte, et on y croit, et on l'applique tel que ça a été demandé d'être appliqué, et tel que les salafs l'ont compris, alors dans ce cas-là, ce n'est pas de l'extrémisme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également mis en garde contre l'extrémisme dans plusieurs versets, dans plusieurs hadiths plutôt, comme l'exemple du hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Prenez garde à l'exagération dans la religion, car c'est uniquement l'exagération dans la religion qui a fait périr ceux qui sont venus avant vous. » Ceux qui sont venus avant vous, c'est-à-dire les chrétiens et les juifs. Qu'est-ce qui les a fait périr dans leur religion ? C'est l'exagération et l'extrémisme. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a avertis contre ça. Et il a mentionné également dans un autre hadith la conclusion de ceux qui tombent dans l'extrémisme. Il a dit Halak al-mutanatti'un, et il l'a répété trois fois. Halak al-mutanatti'un, halak al-mutanatti'un, halak al-mutanatti'un, al-mutanatti'un. C'est ceux qui exagèrent dans la religion, qui sont extrémistes dans la religion, qui vient du mot tanattu, Et tanattu, c'est les gens qui exagèrent, hein, qui vont dans les extrêmes, qui ajoutent ou qui enlèvent à ce que Allah a révélé. فَنَحْنُ أُمَّةٌ وَسَطٌ. Et donc nous devons être le peuple du juste milieu. Approchez-vous un peu pour laisser un peu d'espace aux frères. Na'am. Donc nous devons être au juste milieu. Et être au juste milieu, ça ne veut pas dire d'être entre deux choses seulement. Comme si hein, le juste milieu entre deux points seulement. Mais ça veut dire avant tout d'être sur la vérité. Le juste milieu, c'est la vérité. Si tu n'es pas sur la vérité, tu n'es pas sur le juste milieu. Et la vérité est déterminée par la révélation d'Allah. Qu'est-ce que Allah a révélé dans le Coran et dans la Sunna? Et non pas selon les goûts des personnes. Ce n'est pas quelque chose qui est relatif aux tendances, aux idées ou aux goûts des gens. À notre époque, par exemple, certains musulmans, ils déterminent ou ils essaient de juger par eux-mêmes qu'est-ce qui est extrême et qu'est-ce qui ne l'est pas, en se basant sur leur connaissance limitée de la religion. Étant donné qu'ils n'ont pas fait des études islamiques, ils n'ont pas étudié le Coran, ils n'ont pas étudié la Sunna, ils n'ont pas étudié la Sharia d'Allah, ils n'ont pas étudié la Aqidah, ils n'ont pas étudié le Tafsir, ils n'ont pas étudié le Fiqh, ils n'ont pas étudié Mustalah al-Hadith, ils n'ont pas étudié rien des sciences, et avec le peu de connaissances qu'ils ont du Coran et de la Sunna, ils essaient de déterminer par eux-mêmes qu'est-ce qui est extrême, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et ils se basent sur leurs connaissances, qu'est-ce qu'ils ont appris de leur famille ou de leur entourage, ou qu'est-ce qu'ils ont comme islam culturel dans leur pays, qui n'est pas basé sur la science. Et ça, c'est une grave erreur. Certains parmi des gens, par exemple, qui ont été influencés par les idées occidentales de la laïcité, ils disent, pour critiquer certains musulmans qui pratiquent certains aspects de l'islam, ils disent par exemple, moi ma grand-mère ne faisait jamais ça. Ou moi mon grand-père il n'a jamais dit ça. Alors que peut-être que son grand-père ou sa grand-mère n'ont jamais étudié la religion musulmane. Ils n'ont jamais fait des études dans la charia d'Allah. Et donc de se baser juste sur qu'est-ce que ton grand-père ou ta grand-mère a dit, si ton grand-père et ta grand-mère ne sont pas des ulama de l'islam, ce n'est pas une référence. Et donc ça c'est très important à comprendre. Et donc, al-tanattu' et al-ghulu, pour le connaître et pour comprendre, il faut retourner aux ulama de l'islam et aux savants de la religion. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله تأملوا كثيرا قصة النفر الثلاثة الذين جاءوا إلى أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها فقال أحدهم أصوم ولا أفطر وقال الآخر أقوم الليل ولا أنام وقال الثالث لا أتزوج النساء وفي رواية لا آكل اللحم فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن حديث أولئك النفر فقال عليه الصلاة والسلام من رغب عن سنتي فليس مني إذن فالشرع وحي منزل من الله سبحانه وتعالى لا يجوز للمسلم أن يزيد فيه شيئا أو ينقص بل إن عمله لا يقبل عند الله جل وعلا إلا إذا توفر فيه شرطان الشرط الأول إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى وإرادة وجه الله بهذا العمل كما قال جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين والثاني المتابعة الشرط الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد serviteur d'Allah. Sachez que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de nous écarter de l'extrémisme. Et un des exemples de ça, c'est dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dit à propos des trois hommes qui sont allés voir les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont demandé aux épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos de son adoration. Comment est-ce que le prophète d'Allah alayhi salatu wa sallam adorait Allah subhanahu wa ta'ala chez lui? Et lorsqu'ils ont reçu la réponse, c'est comme s'ils ont senti que c'était peu. Alors, ils ont imaginé qu'ils étaient capables de faire plus que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est la base de l'égarement. Alors, un d'entre eux a dit, moi je vais jeûner et je ne vais jamais briser mon jeûne. Je vais jeûner tout le temps. L'autre a dit, moi je vais rester toutes les nuits debout, je ne vais jamais dormir, je vais prier toute la nuit. Et le troisième a dit, et moi je n'épouserai jamais de femme, je vais rester célibataire toute ma vie. Et un autre, dans une autre narration, a dit, moi je ne mangerai plus de viande. Hein? Alors lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a entendu cette parole de ces gens, il a dit, celui qui désire autre que ma sunna, il n'est pas de moi. Celui qui désire autre que ma sunna, il n'est pas de moi. Et donc, sachez que la législation d'Allah, c'est quelque chose qui est révélé de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'est pas permis à un musulman d'ajouter quoi que ce soit ou d'enlever quoi que ce soit à la religion. Et sachez que les actions d'un musulman ne seront acceptés de lui que s'il a respecté deux conditions pour ces actions-là. La première condition pour que son action soit acceptée d'Allah, c'est qu'il fasse preuve de sincérité et de pureté dans son intention pour que son œuvre soit uniquement faite pour plaire à Allah et pour recevoir l'agrément d'Allah seulement et rien d'autre. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran ce qui signifie, ils n'ont été ordonnés que d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif, c'est-à-dire en purifiant ta religion pour lui, pour que tes œuvres et tes actions et tes paroles et tes croyances soient uniquement pour Allah seul. Et deuxièmement, la deuxième condition pour que tes œuvres soient acceptées, c'est de suivre l'exemple du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, de ne rien innover ou inventer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait une action de ce qui ne fait pas partie de notre religion, il pratique ce qui ne fait pas partie de notre religion, alors cette action qu'il fait sera rejetée d'Allah, sera rejetée par Allah. Allah ne va pas l'accepter. Et donc, il est obligatoire pour le musulman de rejeter et de renier tout ce qui est extrême ou ajouté ou enlevé. Et parmi les exemples de ceux qui adorent Allah sans connaissance, parmi les musulmans, on a l'exemple des soufis et des différents turqs qui adorent Allah en faisant des bid'ah et des innovations. Et on a l'exemple également de ceux qui veulent aller à l'extrême dans la religion aussi, comme l'exemple des khawarij. Et ceux qui ont dévié parmi les khawarij, qui font le takfir des musulmans, qui se révoltent et qui appellent à la révolte contre les dirigeants, et qui se permettent de tuer les musulmans et les non-musulmans sans aucune distinction. Et les exemples de ces groupes de khawarij à notre époque, il y a le groupe de Daesh et Jabhat al-Nusra et également Al-Qaïda et également Boko Haram et beaucoup d'autres groupes que vous connaissez et que vous entendez parler jour et nuit dans les médias, qui sont des groupes d'égarement,